Chapitre 7. Les malheurs d'un trésorier. Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. La Fontaine, les deux mulets. Dès le lendemain matin, le trésorier, installé à sa place dans un banc du fond et qui avait déjà 100 fois et plus compté, recompté et récapitulé les diverses pièces du trésor commis à sa garde, se prépara à mettre à jour son grand livre. Il commença donc, de mémoire, à transcrire dans la colonne des recettes ses comptes détaillés. Lundi, reçu de Guignard. Un bouton de pantalon, grand comme le bras de ficelle de fouet. Reçu de Gueureillas, une vieille jarretière de sa mère pour en faire une paire de rechange. 3 boutons de chemise. Reçu de Batty, une épingle de sûreté, un vieux cordon de soulière en cuir. Reçu de Félie, 2 bouts de ficelle en tout grand comme moi. 1 bouton de veste, 2 boutons de chemise. Mardi, conquis à la bataille de la Saute sur le prisonnier l'Aztèque des Guets chopé par Lebrac, Camus et Grand Gibus. Une bonne paire de cordons de souliers, 1 jarretière, 1 bout de tresse, 7 boutons de pantalon, 1 boucle de derrière, 1 paire de bretelles, 1 agrafe de blouse, 2 boutons de blouse en vert noir, 3 boutons de tricot, 5 boutons de chemise, 4 boutons de gilet, 1 sou. Total du trésor, 3 sous de réserve en cas de malheur, 60 boutons de chemise. Voyons, pensa-t-il, est-ce que c'est bien 60 boutons? Le vieux ne me voit pas, si je recomptais. Et il porta la main à sa poche, que gonflait la cagnotte éparse et mêlée à ses possessions personnelles, car la Marie n'avait pas encore eu le temps, le travail devant se faire en cachette et son frère étant rentré trop tard la veille, de confectionner le sac à coulisses qu'elle avait promis à l'armée. Le mouchoir de Tintin formait tampon sur la poche des boutons. Il le tira sans trop réfléchir, brusquement, pressé qu'il était de vérifier l'exactitude de ses comptes, et patatras ! De tous côtés, roulant sur le plancher, ainsi que des noisettes ou des billes, les boutons du trésor s'éparpillèrent dans la salle. Il y eut une rumeur étouffée, une houle de tête se détournant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» questionna sèchement le père Simon, qui avait déjà remarqué depuis 2 jours les étranges allures de son élève. Et il se précipita pour constater de ses propres yeux la nature du délit. Peu confiant qu'il était, malgré toutes ses leçons de morale et l'histoire de George Washington et de la Hachette, dans la sincérité de Tintin, ni des autres compères. Lebrac n'eut que le temps, son camarade trop ému n'y pensant guère, de rafler d'une main frémissante le carnet de caisse et de le fourrer vivement dans sa case. Mais ce geste n'avait point échappé à l'œil vigilant du maître. « Qu'est-ce que vous cachez, Lebrac ? Montrez-moi ça tout de suite ou je vous fiche 8 jours de retenue. » Montrez le grand livre. Maître a découvert le secret qui faisait la force et la gloire de l'armée de Longeverne. Allons donc, Lebrac eût mieux aimé en faire des ronds de chapeau, comme disait élégamment le frère de Camus. Pourtant, 8 jours de retenue. Les camarades, anxieusement, suivaient ce duel. Lebrac fut héroïque, simplement. Il souleva de rechef le couvercle de sa case, ouvrit son histoire de France, et tendit au père Simon, sacrifiant sur l'autel de la petite patrie langevernoise le premier gage, si cher à son cœur, de ses jeunes amours, il tendit à cette sinistre fripouille de maître d'école l'image que la sœur de Tintin lui avait donnée comme emblème de sa foi, une tulipe ou une pensée écarlate sur champ d'azur, avec, on s'en souvient, ce mot passionné, souvenir. Lebrac se jura d'ailleurs, si l'autre ne la déchirait pas immédiatement, d'aller la rechipper dans son bureau la première fois qu'il serait de balayage ou que le maître tournerait le pied pour une raison ou pour une autre. Quelles émotions n'éprouva-t-il pas l'instant d'après quand l'instituteur regagna son estrade ? Mais la chute et des boutons ne s'expliquaient guère. Lebrac dut avouer, en bafouillant, qu'il troquait l'image contre des boutons. Ce genre de négoce n'en restait pas moins bizarre et mystérieux. « Qu'est-ce que vous faites de tous ces boutons dans votre poche ?» fit le père Simon à Tintin. « Je parierai que vous les avez volés à votre maman. Je vais la prévenir par un petit mot. Attendez un peu, nous verrons. Pour commencer, puisque vous troublez la classe, vous resterez ce soir 1 heure en retenue, tous les deux. »« 1 heure en retenue ?» pensèrent les autres. « Ah ben oui, c'était du propre. Le chef et le trésorier pincé. Comment se battre ?» Depuis le jour de sa mésaventure et de sa défaite, Camus, on le comprend, hésitait à assumer de nouveau les responsabilités de général en chef. Si les Vellerans venaient quand même, ma foi, yel pour eux. Il est vrai qu'ils avaient reçu la veille une telle pile qu'il était fort peu probable qu'ils revinssent ce jour-là. Mais est-ce qu'on sait jamais avec des toques-bloches pareilles ? Où sont-ils donc, ces boutons ? Reprit le père Simon. Il eut beau se baisser et assujettir ses lunettes et regarder entre les bancs, aucun bouton ne tomba dans son champ visuel. Pendant l'algarade, les copains, prudents, les avaient tous soigneusement et subrepticement ramassés et cachés au plus profond de leurs poches. Impossible au maître de reconnaître la nature et la quantité des fameux boutons, de sorte qu'il resta dans le doute. Mais en regagnant sa place, sans doute pour se venger, la vieille rosse, il déchira en deux la belle image de la Marie Tintin, et le bras en devint pourpre de rage et de douleur. Négligemment, le maître en laissa tomber un à un les deux débris dans sa corbeille à papier et reprit sa leçon interrompue. La crique, qui savait à quel point le braque tenait à son image, laissa fort opportunément tomber son porte-plume et, se baissant pour le ramasser, chipa prestement les deux précieux morceaux qu'il cacha dans un livre. Puis, voulant faire plaisir à son chef, il recolla en cachette, avec des rognures de timbre-poste, les deux fragments désunis et, à la récréation même, les remit à le braque qui, surpris au suprême degré, faillit en pleurer de joie et d'émotion et ne sut comment remercier ce bon Lacrique, ce vrai copain. Mais l'affaire de la retenue était bien embêtante tout de même. « Pourvu qu'ils ne disent rien chez nous !» pensait Tintin, et il confia son angoisse à le braque. « Oh !» fit le chef, « il n'y veut plus penser. Seulement fais attention, tiens-toi bien, ne touche pas tes poches. S'il savait que tu en as encore... » Dès qu'ils furent dans la cour de récréation, les détenteurs de boutons remirent au trésorier les unités éparses qu'ils avaient ramassées. Nul ne lui fit de reproche sur son imprudence, chacun sentant trop bien quelle lourde responsabilité il avait assumée et tout ce que son poste, qui lui avait déjà valu une retenue sans compter la raclée qu'il pouvait encore bien ramasser en rentrant chez soi, lui pourrait revaloir dans l'avenir. Lui-même le sentit et se plaignit. « Non, tu sais, il faudra trouver quelqu'un d'autre pour être trésorier. C'est trop embêtant et dangereux. Je me suis déjà pas battu hier soir et aujourd'hui je suis puni. »« Moi aussi, » fit le braque pour le consoler. « Je suis en retenue. » « Oui, mais hier au soir, en as-tu, oui ou non, foutu des nions et des cailloux et des coups de trique ?»« Ça ne fait rien, va. Le soir, on te remplacera de temps en temps pour que tu puisses te battre aussi. »« Si je savais, je cacherais les boutons maintenant pour pas avoir à les emporter ce soir chez nous. »« Si quelqu'un te voyait, par exemple, le père Gugu à travers les planches de sa grange, et puis qu'il vienne nous les chiper ou le dire au maître, nous serons de beaux cocos après. »« Mais non, tu risques rien, Tintin !» reprirent en cœur les autres camarades pour le consoler. Le rassurer et l'engager à conserver par-devers soi ce capital de guerre, source à la fois d'ennui et de confiance, de vicissitude et d'orgueil. La dernière heure d'école fut triste. La fin de la récréation sombra dans l'immobilité et le demi-silence, semé de colloques mystérieux et de conférences à voix basse qui intriguèrent le maître. C'était une journée perdue, la perspective des retenues ayant tari net leur enthousiasme juvénile et apaisé leur soif de mouvement. « Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ce soir ?» se demandèrent ceux du village, après que Gambette et les deux gibus, désemparés, se furent retirés dans leur foyer, l'un sur la côte et les autres au Vernois. Camus proposa une partie de billes, car on ne voulait pas jouer au bar, ce semblant de guerre paraissant si fade après les peignées de la saute. On se rendit donc sur la place et on joua au carré à une bille la mise, pour de bon et non pour de rire. Tandis que les punis charmaient l'heure supplémentaire qui leur était imposée en copiant une lecture de l'histoire de France Blanchet qui commençait ainsi. Mirabeau, en naissant, avait le pied tordu et la langue enchaînée. Deux dents molaires formées dans sa bouche annonçaient sa force, etc., ce dont il se fichait pas mal. Pendant qu'ils copiaient, leur attention vagabonde cueillait par les fenêtres ouvertes les exclamations des joueurs. « Tout ! Rien ! J'ai dit avant toi ! Menteur ! T'as pas but ! Vise le Camus ! Pan, t'es tué ! Combien que t'as de billes ? 3 ! C'est pas vrai, t'en as au moins deux de plus. Allez, renaclez, sale voleur. Remets-en une au carré si tu veux jouer, mon petit. Je m'en fous, je vais m'approcher du tas et puis tout nettoyer. C'est que c'est chic tout de même, une partie de billes, pensait Tintin et le braque, copiant pour la troisième fois. Mirabeau, en naissant, avait le pied tordu et la langue enchaînée. Il devait avoir une sale gueule, ce Mirabeau, émit le braque. Quand ces tics leur sera passé? Vous n'avez pas vu mon frère? Demanda la Marie qui passait aux joueurs de billes, disputant avec acharnement un coup douteux. Son interrogation les calma net, les petits intérêts suscités par la partie s'évanouissant devant toute chose se rattachant à la grande œuvre. « J'ai fait le sac !» ajouta-t-elle. « Oh, viens voir !» Et la Marie Tintin exhiba aux guerriers ébahis et figés d'admiration un sac à coulisses en grisette neuve, grand comme deux sacs de billes ordinaires, un sac solide, bien cousu, avec deux tresses neuves qui permettaient de serrer l'ouverture si étroitement que rien n'en pourrait couler. « C'est salement bien !» jugea Camus, exprimant ainsi le summum de l'admiration, tandis que ses yeux luisaient de reconnaissance. « Avec ça, on est bon. Est-ce qu'ils veulent bientôt sortir ?» interrogea la fillette qu'on avait mise au courant de la situation de son frère et de son bon ami. « Dedans 10 minutes, un petit quart d'heure !» fixa la crique après avoir consulté la tour du clocher. « Veux-tu les attendre ?»« Non, » répondit-elle. J'ai peur qu'on me voie près de vous et qu'on dise à ma mère que je suis une garçonnière. Je vais m'en aller, mais vous direz à mon frère qu'il s'en vienne sitôt qu'il sera sorti. Oui, oui, on s'y dira, tu peux être tranquille. Je serai devant la porte, acheva-t-elle en filant vers leur logis. La partie continua, languissante, dans l'attente des retenues. 10 minutes après, en effet, le braque et Tintin, entièrement dégoûté de Mirabeau jeune aux pieds tordus, etc., etc., arrivaient près des joueurs qui se partagèrent pour en finir les billes du carré. Dès qu'on les eut mis au courant, Tintin n'hésita pas. « Je file !» s'écria-t-il. « Parce que ces sacrés boutons, ça me tâle la cuisse, sans compter que j'ai toujours peur de les perdre. Si tu veux, tâche de revenir quand ils seront dans le sac, hein !» demanda Camus. Tintin promit et s'en fut au galop rejoindre sa sœur. Il arriva juste au moment précis où son père, claquant du fouet, sortait de l'écurie, chassant les bêtes à l'abreuvoir. « Tu n'as donc rien à faire, non ? » fit-il en le voyant s'installer près de la marée ostensiblement occupée à ravauder un bas. « Oh, je sais mes leçons !» répliqua-t-il. « Ah, tiens, tiens, tiens !» Et le père, sur ses exclamations équivoques, les laissa pour courir sus au grivet qui se frottait violemment le cou contre la clôture du grand coulat. « Iste, grosse !» gueulait-il en lui tapant du manche de fouet sur les naseaux humides. Dès qu'il eut dépassé la première maison, Marie sortit enfin le fameux sac et Tintin, vidant ses poches, étala sur le tablier de sa sœur tout le trésor qui les gonflait. Alors ils introduisirent dans les profondeurs et méthodiquement, d'abord les boutons, puis les agrafes et les boucles et le paquet d'aiguilles soigneusement piqués dans un morceau d'étoffe, pour finir par les cordons, l'élastique, les tresses et la ficelle. Il restait encore de la place pour le cas où l'on ferait de nouveaux prisonniers. C'était vraiment très bien. Tintin, les coulisses serrées, levait à hauteur de son œil, comme un ivrogne son verre, le sac rempli, soupesant le trésor et oubliant dans sa joie les punitions et les soucis que lui avait déjà valu sa situation. Quand le tac-tac-tac des sabots de la crique, frappant le sol à coups redoublés, lui fit baisser le nez et interroger le chemin. La crique, très essoufflée, les yeux inquiets, arriva tout droit à eux et s'écria d'une voix sépulcrale. « Fais attention au bouton ! Il y a ton père qui jabote avec le père Simon ! Je n'ai rien que peur que ce vieux sagouin ne lui dise qu'il t'a puni aujourd'hui pour ça et qu'on te fouille. Tâche de les caler en cas que cela n'arrive, hein ? Moi je me barre. S'il me voyait, il douterait peut-être que je t'ai prévenu. » On entendait déjà au contour les claquements de fouet du père Tintin. La crique se glissa entre les clôtures des vergers et disparut comme une ombre, tandis que la Marie, intéressée autant que les gars dans l'aventure, prenant fort opportunément une résolution aussi subite qu'énergique, troussait son tablier, le liait solidement derrière son dos pour former devant une sorte de poche et enfouissait dans cette cachette, sous son ouvrage, le sac et les boutons de l'armée de Longeverne. « Rentre !» dit-elle à son frère. « Et fais semblant de travailler. Moi, je vais rester à ravauder mon bas. » Tout en ayant l'air de ne s'intéresser qu'à son travail, la sœur de Tintin ne manqua pas d'observer en dessous la mine de son père. Et elle ne douta nullement qu'il y aurait du grabuche quand elle eut saisi le coup d'œil qu'il lança pour savoir si son fils se trouvait encore à fainéanter au seuil de la porte. Les bœufs et les vaches se pressaient, se bousculaient pour rentrer vite à l'étable et tâchaient, en longeant la crèche, de voler une partie du lécher déposé pour le voisin avant de manger leur part respective. Mais le paysan fit claquer en menace son fouet, affirmant ainsi sa volonté de ne point tolérer ces vols quotidiens et coutumiers, et dès qu'il eut entouré le cou de chaque bête de son lien de fer, les sabots noirs de fumier et de purin, il poussa la porte de communication qui ouvrait sur la cuisine, où il trouva son fils occupé à préparer, avec une attention inaccoutumée et de trop bonne aloi, une leçon d'arithmétique pour le lendemain. Il en était à la définition de la soustraction. « La soustraction est une opération qui a pour but... » marmottait-il. « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» dit le père. « J'apprends mon arithmétique pour demain ?»« Tu savais tes leçons tout à l'heure. J'avais oublié celle-là. »« Sur quoi ?»« Sur la soustraction. »« La soustraction ? Tiens, mais il me semble que tu la connais, la soustraction, petite rosse. » Et il ajouta brusquement. « Viens voir ici, près de moi. » Tintin obéit en prenant un air aussi surpris et aussi innocent que possible. « Fais voir tes poches, » ordonna le père. « Mais j'ai rien fait, j'ai rien pris, » objecta Tintin. « Je te dis de me montrer ce qu'il y a dedans, tes poches, nom de Dieu. Et plus vite que ça, il n'y a rien, pardine !» Et Tintin, noblement, en victime odieusement calomniée, plongea sa main dans sa poche droite, d'où il retira un bout de guenille sale servant de mouchoir, un couteau ébréché dont le ressort ne fonctionnait plus, un bout de tresse, une bille et un morceau de charbon qui servait à tracer le carré quand on jouait aux billes sur un plancher. « C'est tout ?» demanda le père. Tintin retourna la doublure noire de crasse pour bien montrer que rien ne restait. « Fais voir l'autre !» La même opération recommença. Tintin successivement avénit un bout de réglisse de bois de moitié rongé, un crouton de pain, un trognon de pomme, un noyau de pruneau, des coquilles de noisettes et un caillou rond, un bon caillou pour la fronde. « Et tes boutons ?» fit le père. La mère de Tintin rentrait à ce moment. En entendant parler de boutons, ses instincts économes de bonne ménagère s'émurent. « Des boutons ?» répondit Tintin. « J'en ai pas. T'en as pas ? Non, j'ai pas de bouton, quel bouton ? Et ceux que tu avais cet après-midi ? Cet après-midi ? Reprit Tintin, l'air vague, cherchant à rassembler ses souvenirs. Fais pas la bête, nom de Dieu ! S'exclama le père. Ou je te calote, sacré petit morveux. T'avais des boutons cet après-midi, puisque t'en as perdu une poignée en classe. Le maître vient de me dire que tu en avais plein tes poches. Qu'en as-tu fait ? Où les avais-tu pris ? J'avais pas de boutons. C'est pas moi. C'est le braque qui voulait m'en vendre contre une image. Ah, pardier ! Fit la mère. C'est donc pour ça qu'il n'y a jamais plus rien dans ma corbeille à ouvrage et dans les tiroirs de ma machine à coudre. C'est sapré petit cochon-là qui me les prend. On trouve jamais rien ici. On a beau tous les jours acheter et racheter. C'est comme si on chantait. Ils en voleraient bien autant qu'un curé en pourrait bénir. Et quand ils prennent pas ce qu'il y a ici, ils déchirent ce qu'ils ont sur le dos. Ils cassent leurs sabots, perdent leurs casquettes, sèment leurs mouchoirs de poche, n'ont jamais de cordon de souliers entier. Ah mon Dieu, Jésus, Marie-Joseph, qu'est-ce qu'on veut devenir avec des gouillants comme ça? Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de ces boutons? Ah, sacré arsouille, je vais t'apprendre un peu l'ordre et l'économie. Et puisque les mots ne servent de rien, c'est à coup de pied au derrière que je vais t'instruire, moi. Tu vas voir ça! Gronda le père Tintin. Aussitôt, joignant le geste à la parole, saisissant son rejeton par le bras et le faisant pivoter devant lui, il lui imprima sur le bas du dos, avec ses sabots noirs de purin, quelques cachets de garantie qui, pensait-il, le guériraient pendant quelque temps du désir et de la manie de chiper des boutons dans le quatrineau de sa mère. Tintin, selon les principes formulés par le braque les jours d'avant, gueula et hurla de toutes ses forces avant même que son père ne l'eût touché. Il piailla encore plus haut et plus effroyablement quand les semelles de bois prirent contact avec son poster. Il poussa même des cris aigus que la Marie, tout émue et effarée, rentra les larmes aux yeux et que la mère, elle-même surprise, pria son époux de ne pas taper si fort, croyant que son fils souffrait vraiment le martyre ou presque. « Je ne l'ai presque pas touché, salaud-là !» répliqua le père. « Une autre fois, je lui apprendrai à gueuler pour quelque chose. »« Que je t'y reprenne un peu » ajouta-t-il. « À feuiller dans les tiroirs de ta mère et que je t'en retrouve des boutons dans tes poches !»